Chapitre 20e. Paracha avait mis près de 10 ans à confectionner son trousseau, mais aussi quel trousseau ! Pas un point qui n'eût été accompagné d'une pensée de colère ou tout au moins d'impatience à l'égard de quelques membres de sa famille. Pas une maille de ses bas qui n'eût dû lui rappeler ses griefs contre l'humanité en général et le célibat en particulier. Heureusement, les pensées ne paraissent pas sous le linge et la Mossad fiancée put faire admirer tout son avoir aux jeunes filles accourues dans ce but la veille des noces. Les réjouissances en usage dans le peuple ne sont pas de mise dans le clergé. Le mariage y perd en grâce et n'y gagne rien en durée ni en solidité. Les jeunes filles, sur des chaises alignées le long de la muraille, se faisaient vis-à-vis et se regardaient dans le blanc des yeux, suivant l'expression populaire, mais sans prononcer une parole. C'est au milieu de cette auguste assemblée que tombèrent les jeunes gens, fort maltraités par le voyage, et payant peu de mine. Les embrassades d'usage furent échangées en présence de 20 personnes étrangères, plus ou moins hostiles à ces vagabonds de fils qui avaient déserté la maison paternelle en ne sait pourquoi. Ces braves gens méprisaient tellement la musique qu'elle n'existait pas pour eux. On n'est pas plus musicien de profession qu'on ne se balance sur une balançoire en guise de position sociale. Le pauvre Victor avait le cœur bien gros. Il eût voulu serrer sa mère dans ses bras, la câliner comme au temps de son enfance, baiser et repaiser avec effusion la main paternelle qui lui rouvrait la porte longtemps fermée. Il fallut renoncer à ses joies naïves et s'asseoir devant un repas qu'on leur offrit en toute cérémonie. Paracha les servait avec une modestie qui, chez elle, n'était pas plus une grâce que le reste, mais qui parut bien extraordinaire aux deux frères. Elle avait la figure aussi luisante qu'un pot de pommade, effet du savon employé à des lotions exagérées et des frottements réitérés destinés à compléter l'effet du savon. Elle portait une robe d'un gris jaunâtre qui fut à la mode il y a 15 ans et qui est allée péniblement s'échouer sur tous les rivages inexplorés des petites localités de province. Malgré cet extérieur trop brillant, les jeunes filles, nous n'oserions dire ses amies ni ses compagnes, ni même ses voisines, car les filles de prêtres n'ont pas d'amis, ni de compagnes, ni de voisines. Ce sont des êtres isolés que leur mariage seul peut rapprocher du genre humain, les jeunes filles la regardaient avec envie. Dans cette loterie de l'existence, n'avait-elle pas tiré un mari ? Un mari, ce qu'il y avait de plus difficile à se procurer sous le ciel. Ce mari n'était pas beau, cependant, et n'eût pas dû exciter de jalousie. Son seul mérite était d'être d'une croissance exagérée, qui, prise aux dépens de son embonpoint par la nature capricieuse, lui donnait beaucoup de ressemblance avec une asperge sauvage. Sa figure n'avait rien de particulier, ses yeux gris n'étaient ni clairs ni foncés, ni grands ni petits, il était plutôt laid, et à coup sûr fort disgracieux. Mais c'était un bel homme puisqu'il ne pouvait passer sous la porte sans se baisser, et l'opinion générale se déclara satisfaite. « Qu'est-ce que tu dis du beau-frère ? » demanda Victor à Demian. Quand tout le monde étant couché, ils s'évadèrent dans le jardin pour causer un peu librement. « Rien du tout. C'est l'être le plus insignifiant que j'ai jamais vu. Juste ce qu'il faut à Paracha pour le mener à sa guise. » « Le père a vieilli, » reprit Victor avec un soupir. « C'est notre faute. »« Oui, mon frère. Mais c'est aussi la faute à notre sœur. Je ne m'étais jamais aperçu combien elle est peu aimable. » »« Si nous étions restés, » commençait Victor, « nous serions malheureux. » Et le père ne le serait pas moins. Notre place est ailleurs, mon frère. Hormis le père et la mère, tous ces gens qui sont là me semblent sortis d'une ménagerie. Que dut-il penser le lendemain, quand la ménagerie composa le cortège nuptial et se rendit à l'église sous un beau soleil de juillet? Les hommes étaient superbes. Les beaux prêtres et les beaux diacres sont recherchés par les bonnes paroisses. D'ailleurs, le costume du clergé russe, qui permet les couleurs riches et sombres et dont la coupe flottante donne tant de gravité au maintien, est généralement bien portée. Les robes aux larges manches violet sombre, vert foncé, marron, mordoré, toutes neuves et d'une coûteuse étoffe de soie ou de laine, donnaient à l'œil une impression particulière de noblesse et de dignité. Mais leurs femmes, la crinoline n'avait pas encore fini de régner, et les jupes de soie à grandes rayures s'étalaient pompeusement sur de larges ballons, déployant au grand jour l'énormité des carreaux et la crudité des nuances. On fabrique exprès en Russie des étoffes de soie chère et lourde, destinées aux femmes et aux filles de prêtres, et qui ne trouvent jamais d'acheteurs en dehors de cette classe. Le mariage de Paracha en offrit un remarquable assortiment. La mariée portait elle-même une robe à basque d'un superbe damas broché, groseille sur vert émeraude, et tout le monde admira la richesse de son ajustement. Là-dessus, elle laissa flotter le voile classique de tulle illusion, surmonté de la couronne de fleurs d'oranger. Un bouquet pareil au corsage complétait sa toilette, que toutes les dames s'accordèrent à déclarer irréprochable. Le père Kouzma était ému en bénissant sa fille. Pendant la courte allocution qu'il fit aux époux avant de procéder à la cérémonie, ses yeux se tournèrent plus d'une fois vers sa femme, qui pleurait à chaudes larmes. Pourquoi pleurait-elle? Sa fille ne devait pas la quitter, et d'ailleurs, tout autre qu'elle eût considéré son départ comme une bénédiction. Peut-être pleurait-elle parce que c'est l'usage, peut-être aussi parce qu'elle se rappelait les émotions qu'elle-même avait éprouvées autrefois sous la couronne nuptiale, et les déboires, les douleurs, les découragements des années qui avaient suivi. Le regard du père Kouzma se porta aussi sur ses fils, qui l'écoutaient respectueusement, et leur vue sembla réveiller en lui une certaine amertume. Élevez bien vos enfants, dit-il aux époux. Ne craignez pas de les corriger pour leur enseigner l'amour du devoir et la soumission à la règle. Qu'ils soient des fils soumis, et Dieu vous accordera en récompense ses faveurs et ses bénédictions. Demian tira doucement Victor par la manche, mais celui-ci n'y prit pas garde. Il regardait la petite porte située auprès du chœur, et par laquelle Madame Moutine venait d'entrer. Le jeune musicien suivit son regard. Elle était bien pareille à elle-même, mais de plus en plus reposée. Elle semblait entrer définitivement dans la vie, et y avait pris la place qu'elle devait toujours occuper. Sa toilette, très simple, faisait un contraste étrange avec les oripeaux voyants qui l'entouraient, et cependant, avec sa robe de toile grise, elle avait l'air d'une reine au milieu de sa cour. Pendant que Victor s'absorbait dans la contemplation de son idole, Demian comprit soudainement en quoi le luxe diffère du goût et la morgue de la distinction. De temps en temps, il avait de ces illuminations subites, et cette fois il resta si frappé de sa découverte qu'il oublia de suivre la cérémonie et se fit rappeler à l'ordre par Victor au moment de tenir la couronne de métal au-dessus de la tête de son beau-frère, office pour lequel il avait été désigné comme étant le plus grand de toute la société. La promenade des époux eut lieu autour du pupitre, dans l'ordre consacré. De temps en temps, les jeunes gens qui suivaient le couple en tenant les couronnes au-dessus de leur tête, à bras tendus, marchaient sur la robe de la mariée, ce qui leur faisait exécuter des gambades bien bizarres. Mais personne ne sembla considérer cette gymnastique comme insolite, et tout se termina suivant le rite accoutumé. Les jours suivants se passèrent en festin, puis, peu à peu, la maison se désemplit, les nouveaux mariés allaient rendre visite au père du jeune homme, et la cure se retrouva comme par le passé, avec Paracha en moins, ce qui ne sembla affliger beaucoup aucun de ses habitants. La maison paternelle n'eut pas pour nos amis tout le charme qu'ils avaient rêvé, et il leur fallut s'avouer qu'ils se l'étaient fort surfait en imagination. Il n'est aucun de nous auquel il ne soit arrivé de rêver longtemps d'un site entrevu jadis, d'une maison autrefois visitée, de gens qu'on aurait voulu mieux connaître, et soudain, par le hasard des circonstances, de se trouver porté vers ce qu'on désirait revoir. Combien peuvent dire que ce rapprochement n'a pas été pour eux une désillusion, petite ou grande? C'est que le mirage de l'imagination, si puissant faute de point de comparaison dans le présent, nous faisait paraître le site plus pittoresque, la maison plus vaste, les gens plus beaux ou plus intelligents, et la réalité bien pâle auprès de nos rêveries. Demian et Victor s'aperçurent pour la première fois de ce que leurs absences précédentes avaient laissé inaperçu jusque-là, la pénurie des meubles, le désordre de la maison, l'effronterie de la servante, le laisser-aller de leur mère, la sévérité toujours bourrue et parfois intempestive de leur père, et tous ces traits inobservés leur inspirèrent le désir d'améliorer autant que possible l'existence de ces braves gens, pleins de tiraillements, en grande partie dus à la pauvreté. André avait raison, dit un jour Victor à son frère. L'argent que le père nous envoie lui coûte bien cher. Veux-tu que nous allions lui en parler tout de suite? Fit Demian, content de voir cette idée tout à fait acceptée par son frère, qui jusque-là ne s'en souciait qu'à moitié. Ils exposèrent au père Kouzma leur plan de réforme, et celui-ci n'en parut pas autrement surpris, ce qui fut un désappointement pour nos amis. Quand on est animé par une pensée généreuse, il est très dur de se voir accueillir froidement. Un peu de sympathie serait si bonne. Mais le père Kouzma ne se rendait pas compte du sacrifice que faisaient ses enfants. grâce à l'idée fausse qu'ont de la valeur réelle de l'argent les gens qui tirent presque tout de la terre et qui n'ont d'argent monnayé que comme appoint à leur revenu, le prêtre se figurait qu'avec une quarantaine de roubles par mois à dépenser, ses fils devaient rouler sur l'or. Il les loua, mais sans effusion, et les deux frères le quittèrent, l'oreille un peu basse. « Je crois, dit Victor, que nous avons fait un sacrifice inutile. On ne nous en saura pas gré. »« Je pense comme toi que personne ne nous en sait gré, » répondit Démiane. « Mais regarde autour de nous. Les robes de la mère sont vieilles, le linge s'en va. Je t'assure que le sacrifice n'est pas inutile. » Victor pensa à la belle robe de sa sœur, mais il avait pris son parti de ce côté-là, et en sa qualité d'optimiste, il l'eut bientôt pris tout à fait. Après 15 jours de villégiature, nos amis sentirent qu'il était temps de retourner à Moscou. On a parfois de ces intuitions. On est chez des amis ou des parents. Tout semble s'y passer pour le mieux. Tout à coup, un courant d'air plus frais vous glace moralement. Le premier jour, on se dit « c'est une porte qu'on aura laissée ouverte ». Mais la porte ne se ferme plus, et c'est alors qu'on éprouve soudain le besoin de rentrer dans ses foyers. Pour les fils de Kouzma, la porte était une vraie porte cochère, et le courant d'air un ouragan. Ils demandèrent à leurs parents une bénédiction qui leur fut accordée, et la permission de partir, qu'on ne leur refusa pas davantage. Le prêtre se sentait mal à l'aise devant ses fils. Ils étaient devenus trop citadins, trop au-dessus de lui-même. Démiane, surtout, avait rapporté de ses auditions au conservatoire une élégance nouvelle, qui le mettait sur l'échelle sociale bien plus près des Roussoff que de sa propre famille. L'intimité journalière qui installait les jeunes gens sur le pied de l'égalité chez les seigneurs du village faisait sentir au vieillard combien ses fils se détachaient peu à peu de la souche paternelle, et sans leur en vouloir, il ne fut pas fâché de les voir partir.